Eh bien, bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho aujourd'hui consacrés à la manipulation. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de poser mes questions aujourd'hui à Christine Calonne, psychologue et psychothérapeute. Christine, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous une nouvelle fois aujourd'hui. On sait en plus que ce sont vraiment des thématiques dont vous êtes experte, hein, la manipulation, l'emprise, etc. Donc merci de nous faire ce plaisir-là. Grâce à vous, donc, nous allons pouvoir explorer les mécanismes de la manipulation et surtout nous aider à identifier les comportements manipulateurs et surtout nous aider à nous en protéger. Donc, tout d'abord, toute première question à Christine Calonne, qu'est-ce que la manipulation et comment peut-on la définir dans un cadre psychologique ? Eh bien, la manipulation consiste à utiliser autrui sans tenir compte de ses émotions, de ses besoins et donc souvent au détriment de l'autre. Et donc, cette non-prise en considération, eh bien, elle va se traduire de façon variée. Mais dans tous les cas, en tout cas, l'autre n'est pas considéré en tant que personne, n'est pas considéré comme une personne avec des émotions, des besoins, des ressentis, des limites propres et dont il est important de tenir compte. Donc, là, ce qui est important, c'est la notion d'intention qui est sous-jacente, finalement, à la manipulation. J'utilise autrui dans quel but, hein? Donc, la manipulation peut avoir différents objectifs. Et suivant les intentions, on aura des effets différents. Donc, on peut avoir une manipulation ponctuelle. Bon, tous, on peut par moment avoir des comportements manipulateurs, c'est-à-dire à ne pas tenir compte du besoin de l'autre, de ses limites. Ça ne veut pas dire qu'on est un manipulateur ou une manipulatrice. Hein. Donc, le manipulateur ou la manipulatrice fonctionne constamment dans cette façon de faire qui consiste à utiliser autrui. Il considère constamment l'autre comme une chose, comme un objet, un ustensile, et ça au détriment d'autrui. Et donc, cette intention, elle peut être variable. Par exemple, vous avez des manipulateurs, des manipulatrices qui vont manipuler parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, par exemple. Donc, ils contrôlent constamment, mais ils ne le disent pas. Ils ne vont pas dire qu'ils ont peur de l'abandon. Donc, ils vont agir d'une façon indirecte pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire contrôler l'autre et ne pas finalement être abandonné. Ou alors, par exemple, l'intention est de détruire l'autre. Hein, donc, le pervers narcissique ou la personnalité pervers narcissique, son intention, c'est de détruire l'autre. L'autre est un ennemi à battre. Et donc, l'intention sous-jacente est vraiment la destruction de l'identité de l'autre. Donc, vous voyez, suivant les profils de personnalité, de troubles de la personnalité, là, dans ce cas-là, eh bien, on aura des intentions différentes. D'accord. C'est plutôt, du coup, des profils qui manquent cruellement d'empathie. Parce que là, du coup, l'autre n'est pas du tout considéré. D'accord. Dans tous les cas, finalement, quels que soient les troubles de la personnalité qui sont associés à la manipulation, il y a un manque d'empathie, une difficulté finalement à considérer l'autre et à dialoguer avec l'autre et donc à se remettre en question par rapport aux limites, à ce qui ne convient pas à l'autre. Voilà, c'est toujours la faute de l'autre, par exemple. Et alors, quelles sont justement les techniques les plus courantes de manipulation qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, par exemple ? Eh bien, dans un premier temps, quand un manipulateur ou une manipulatrice veut obtenir quelque chose, il va flatter, par exemple. La flatterie, évidemment, n'est pas sincère. Il faut la différencier du compliment. Le compliment est sincère. On va dire que la personne reconnaît la qualité de l'autre. Par contre, le manipulateur, il flatte et il ne croit pas du tout ce qu'il dit. Son objectif, c'est juste d'obtenir ce qu'il veut. Ça, c'est voilà une technique très fréquente et qui est souvent présente en début de relation. C'est ce que j'allais vous dire, mais ça, on le retrouve très souvent. Oui, dans le début d'une relation d'emprise, par exemple. Hein, donc, ce qu'on appelle le love bombing, voilà, ça, c'est hyper fréquent. Mais alors, on a aussi dans le des cours de la relation des techniques plus différentes, par exemple, le langage flou. On ne va pas dire clairement et précisément ce qu'on veut, on va passer par toutes sortes de détours, on n'est pas clair ni sur ses intentions, ni sur sa demande, ni sur son besoin, rien n'est clair et c'est une façon finalement de manipuler. Le langage flou, ça c'est aussi très, très représentatif. Alors on a des techniques, par exemple, les promesses, les fausses promesses, les promesses non tenues dans un premier temps. Pour séduire, eh bien, un manipulateur, une manipulatrice peut faire des belles promesses en ayant décodé ce que l'autre attend. Et donc, évidemment, c'est des promesses qu'il ne tiendra jamais parce que ce qui l'intéresse, c'est lui-même et non pas de satisfaire l'autre. Hein. Donc, ça, c'est une technique très fréquente aussi. On a des techniques plus dures, évidemment, c'est par exemple le chantage affectif. Voilà, si tu n'as pas 10 sur 10 à l'école, je ne te regarde plus. Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, ça c'est plus art, on va dire. On a la menace, hein, si tu n'acceptes pas mon projet, je te quitte. Hein, donc c'est aussi plus art. Hein, donc une autre forme de flou, c'est utiliser le on. Hein, donc on aime les mêmes choses, on est fait pour être ensemble. Mais d'un sur l'autre, mais sans finalement se soucier de ce qu'il pense, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, donc en fait, le manipulateur, il pense à la place de l'autre. Hein. Donc, ça se traduit par ce « on ». Ou bien c'est le « tu » accusateur qui est une façon aussi, finalement, de ne pas dévoiler ses intentions. Hein. Donc, le « tu » ou le « on » et le manipulateur n'emploie pas le « je ». Parce que « je » implique évidemment de parler de soi et il cache ses intentions. Hein. Donc, c'est le mensonge qui est toujours là, au rendez-vous dans une relation avec quelqu'un qui est constamment dans la manipulation. Et donc, des mensonges récurrents, voilà, on peut finalement faire une petite enquête et les décoder, mais il faut pouvoir en prendre conscience qu'on a affaire à un manipulateur, évidemment. Hein. Donc, c'est aussi le double jeu. Hein. Donc, par exemple, se dire le meilleur ami de quelqu'un, alors qu'en réalité, on veut l'exploiter. Donc, ça, c'est une façon subtile de manipuler aussi. Donc, c'est une technique très fréquente aussi. Ou bien, c'est la critique gratuite pour déstabiliser, pour affaiblir l'autre, lui faire perdre confiance en lui. C'est une façon aussi de manipuler. Quand c'est répétitif, le manipulateur peut ainsi prendre de l'ascendant sur l'autre et obtenir ce qu'il veut. Ou bien, donc, c'est aussi offrir son aide, mais avec l'intention de prendre le pouvoir sur l'autre. Ce n'est pas une aide gratuite, ce n'est pas une aide généreuse, désintéressée. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment les techniques les plus fréquentes. Alors, on a évidemment toutes les techniques utilisées dans les ventes forcées. Par exemple, la technique du pied dans la porte, hein, donc c'est une technique très, très fréquente. Hein, donc, on invente un prétexte et puis évidemment, alors là, on peut entrer dans la vie de l'autre et c'est très facile d'arriver à envahir sa vie par la manipulation systématique. D'accord. J'avais une question qui m'est venue, parce qu'on parlait vraiment du manipulateur. Est-ce que on devient un manipulateur ou est-ce qu'on est né comme ça? Oui, c'est une question intéressante. La manipulation, c'est un comportement acquis qui vient évidemment de blessures de l'enfance. Ces personnes n'ont pas été reconnues dans leurs émotions, dans leurs besoins fondamentaux. Je distingue bien le besoin fondamental du désir. Par exemple, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu pour ce que l'on est. Et donc, ces personnes n'ont pas été reconnues pour ce qu'elles étaient, par exemple, et donc, elles ne reconnaissent pas l'autre pour ce qu'il est. Donc, elles répètent finalement ce qu'elles ont subi. Donc, là, il y a eu dans l'entourage proche de l'individu quelqu'un qui a servi de modèle, qui a blessé cette personne fondamentalement, et malheureusement, cette personne a recopié soit le parent, soit un proche, ça peut être un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre, en tout cas qui a eu une influence importante. Et oui, au contraire, au lieu de se sortir, ça n'a fait que répéter finalement ce schéma-là. Oui, voilà. Merci pour cette précision. Mm-hmm. Quels sont les signes, les comportements qui permettent d'identifier qu'une personne est manipulée, que ce soit justement dans un contexte personnel ou voire même professionnel, ça peut arriver. Oui, donc par exemple, un signe, c'est que la personne marche sur des œufs, elle a senti que, intuitivement, hein, sans mettre des mots, sans conscientiser, qu'il faut ménager la personne, donc sinon elle va subir une menace, par exemple, comme je disais tout à l'heure. Donc La personne qui marche sur des œufs, en général, c'est qu'elle est manipulée. Donc, c'est un premier signe. Un autre signe, par exemple, c'est qu'elle est lente dans son discours. Elle ménage l'autre. Ça, c'est un peu avec marcher sur des œufs. Hein. Donc, elle peut se replier sur elle-même parce qu'elle sent qu'elle n'est pas respectée, qu'elle n'arrive pas à mettre la limite. C'est un autre signe. Un autre signe, c'est qu'elle adopte des comportements ou des valeurs qu'elle n'avait pas avant. Donc, les personnes qui ont été manipulées parfois se disent « mais je ne suis plus ce que j'étais, je ne me reconnais plus ». Donc, elles ont été tellement manipulées, elles ont subi tellement le lavage de cerveau que finalement, elles sont devenues quelqu'un d'autre. Elles sont devenues finalement ce que le manipulateur voulait qu'elles deviennent, hein, tout simplement. Hein. Donc, ça, c'est un des signes. Et donc, dans ce cas-là, on dirait qu'elle est une sorte de porte-parole du manipulateur. Elle dit ce que le manipulateur veut qu'elle dise. Donc, elle satisfait les désirs du manipulateur. Et donc, l'entourage se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne la reconnaît plus ou on ne le reconnaît plus parce que la personne n'est plus elle-même. Hein. Ça, c'est un des signes, évidemment, c'est que la personne ne sait plus être elle-même, elle ne s'autorise plus à exprimer ses émotions, ses besoins. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'elle s'éteint progressivement à force de ne plus être soi. On perd son énergie, hein, donc c'est une forme de vampirisation, la manipulation, hein, quel que soit finalement le profil de manipulateur. Et donc, si on n'est plus soi-même, ben, on peut repérer aussi qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi qui s'installe, on ne sait plus poser ses limites, on ne sait plus dire non. C'est encore des signes qu'on a affaire à quelqu'un qui est manipulé. Donc voilà, c'est en général les premiers signes les plus significatifs. D'accord. On se doute, donc voilà, la manipulation, ça arrive, ça s'installe, mais comment justement les manipulateurs arrivent-ils à contourner la vigilance des autres? Quels sont les mécanismes psychologiques en jeu? Alors, la façon de contourner la vigilance, c'est les techniques d'hypnose. Et ça, c'est oui. Complètement. C'est très important à savoir. En fait, les techniques d'hypnose, elles peuvent être utilisées dans un contexte thérapeutique et elles sont bénéfiques pour créer un état de conscience modifié et agir sur l'inconscient pour aller mieux. Malheureusement, certains manipulateurs, par exemple, vont étudier la PNL ou d'autres techniques d'hypnose, l'hypnose ericksonienne ou tout ce qu'on veut, mais c'est dans une intention de manipuler, d'exploiter, voire de détruire l'autre. Par exemple, le langage paradoxal. Donc, un langage paradoxal, c'est dire une chose, puis dire le contraire. Dire une chose, faire le contraire. Faire une chose, faire le contraire. Et donc, en fait, ça rend confus. Hein, le mental ne sait plus gérer la situation, il est confus. Donc, le préfrontal se bloque et à forte répétition, si on n'a pas la prise de recul, si on ne repère pas cette technique de manipulation, on est confus et on devient manipulable. Donc, ça, c'est le langage paradoxal. Et une autre façon, c'est d'utiliser finalement des paroles, des comportements imprévisibles. L'imprévisibilité, c'est aussi utilisé en hypnose, ainsi que le langage flou. Donc, par exemple, on va dire en hypnose, dorénavant, vos ressources, vous aurez accès à toutes vos ressources. Et ressources, c'est un mot vague, en fait. Et c'est bénéfique quand c'est utilisé dans un cadre thérapeutique. Bien Mais sûr. Le langage flou des manipulateurs, le mot ressources, va être utilisé à des fins négatives. Donc, négatives dans le sens, finalement, d'exploiter, voire de détruire l'autre. Donc, c'est des techniques de manipulation qui vont contourner finalement la conscience et créer un état de conscience modifié pour influencer l'autre à son détriment. Oui, sans qu'ils s'en rendent compte, que ça s'installe voilà. Progressivement. Et... D'accord. Et quels sont les effets de la manipulation sur une personne à long terme? Je pense notamment donc, à la santé mentale et puis à la santé émotionnelle. Oui, donc évidemment, si on est manipulé, si on est au contact de quelqu'un qui nous manipule régulièrement, il y a un stress parce que le système nerveux inconsciemment décode qu'il y a un non-respect de sa personne. Et donc, ça crée un stress qui devient un stress chronique. Et donc, le stress chronique amène évidemment des symptômes psychosomatiques. Ah, tout à coup, on a des angoisses, des palpitations, on a des tremblements, ou bien on dort plus bien la nuit, ou bien on a des réactions d'évitement, on se replie. Toutes les conséquences du stress chronique, ça peut amener des réactions phobiques, donc l'évitement, hein, ça peut amener finalement une perte de confiance en soi, d'estime de soi qui à long terme va amener à la dépression. Parce que si le manipulateur utilise à la fois culpabilisation et dévalorisation, eh bien on a vraiment le noyau de la dépression qui se crée. Si on n'a plus d'estime de soi, si on se culpabilise, parce que finalement c'est ça, la personne qui est l'objet de la manipulation va se culpabiliser constamment à force d'être culpabilisée et entrer dans un état dépressif et perdre son énergie vitale, se replier sur elle-même, comme je vous disais tout à l'heure, perdre confiance en soi, ne plus oser aller vers les autres. Et toutes sortes de conséquences qui peuvent être vraiment nocives, s'épuiser aussi, parce que si la personne cherche à prouver sa valeur, par exemple, elle va en faire trop, et en faisant trop, elle va s'épuiser. Jamais assez en plus, du Ce ne coup. sera jamais assez. De toute façon, elle ne recevra pas cette reconnaissance, puisque le but n'est pas là. C'est une intention d'exploiter ou de détruire. C'est en vain qu'on essaye de dialoguer avec un manipulateur qui est vraiment dans la manipulation 24 heures sur 24. Évidemment, c'est très différent si on a affaire à quelqu'un qui est ponctuellement dans la manipulation. Alors à ce moment-là, on peut arriver à un résultat en changeant de posture, hein. Donc là, c'est la question suivante, les stratégies de protection, hein. Exactement, justement, on l'a vu, les conséquences ne sont pas anodines, hein, c'est vraiment, ça peut vraiment avoir un impact néfaste sur la santé, que ce soit mentale ou émotionnelle, etc. Et quelle stratégie, vous, Christine Calonne, vous pouvez recommander pour se protéger contre la manipulation ou sortir d'une situation manipulatrice? Voilà. Donc, si c'est une manipulation ponctuelle, c'est intéressant de s'affirmer, de dire ce que l'on ressent, son besoin, son désir, sa limite, faire une demande. Et donc, à ce moment-là, on peut arriver à une négociation. Par contre, si on a affaire à quelqu'un qui est dans la manipulation 24 heures sur 24, qui n'a absolument rien à faire de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez, c'est peine perdue. La communication non violente, on peut mettre ça à la poubelle. Hein. Donc, ce que je viens de dire, c'est la communication non violente. Hein. J'exprime mon ressenti. Voilà, je suis triste parce que voilà, j'ai besoin de plus d'amour. J'ai le sentiment que voilà, je ne te vois pratiquement jamais. J'ai besoin de plus de ta présence, de sentir ton amour. Donc ma limite, c'est voilà qu'on puisse au moins passer une soirée par semaine ensemble. Ça, c'est la communication non violente. Ça ne sert à rien avec un manipulateur qui est vraiment dans la manipulation 24 heures sur 24. Au contraire, si vous donnez des informations sur vous à quelqu'un qui est dans la manipulation 24 heures sur 24, tout ce que vous dites va être retourné contre vous. Donc alors là, c'est vraiment vraiment très très nocif, hein. Alimenter encore un peu plus la machine. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, les stratégies de protection, ce sera vraiment non pas de s'affirmer, d'être dans l'assertivité, comme je viens de l'expliquer, mais au contraire de ne donner aucune information personnelle et d'être plutôt dans faire préciser. Puisque le manipulateur utilise un langage flou, eh bien, on ne va pas accepter le langage flou. On va lui dire, mais que veux-tu dire par là? Où veux-tu en venir? C'est quoi ton but? On va utiliser la technique du miroir, c'est-à-dire le confronter à ce qu'on voit. Je vois que tu utilises un langage flou, je ne vois pas où tu veux en venir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc, la technique du miroir aussi à ce moment-là est très, très intéressante. Donc, de dire ce qu'on observe, de ne pas interpréter, mais dire ce qu'on observe pour confronter sans dire ce que l'on ressent. Donc, ça, c'est la technique du miroir. Évident, ça doit être un exercice, Oui, franchement, au quotidien, c'est invivable, hein. Je veux dire, c'est dans des situations ponctuelles qu'on peut faire ce genre de choses, d'exercices, parce que c'est très fatigant. au quotidien, c'est épuisant. Hein. Donc, si on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui vraiment est dans la manipulation 24 heures sur 24, bah, la seule solution, c'est de mettre ses limites et s'en aller. Oui. Mais quand c'est possible et qu'il faut répondre, voilà, utiliser cette technique miroir qui permet un petit peu de s'en sortir sans casser trop de... Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est important peut-être de faire le tri dans ses relations. Si on voit qu'on a affaire à un manipulateur, il a peut-être aussi manipulé d'autres personnes autour. Hein, c'est la technique de triangulation qu'on observe souvent. Donc, faire passer ses messages par autrui. Et donc, il peut manipuler tout l'entourage. Et donc, à ce moment-là, c'est important de faire le tri dans ses relations pour ne pas finalement continuer à être manipulé par l'intermédiaire de l'entourage. Hein. Donc, voir qui est complice, qui ne l'est pas, c'est vraiment très important. Oui. Ouais. Donc, c'est important de suivre aussi son intuition, parce que comme je le disais tout à l'heure, le système nerveux sent quand il y a danger, quand on est dans l'insécurité. Et les gens le disent toujours, hein, « Ah ouais, j'avais ma petite voix qui me signalait que… » j'avais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché de continuer, mais je savais pourtant. Oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment apprendre à s'écouter. Et l'écoute de soi, c'est des exercices quotidiens qui permettent de s'apaiser, apaiser le système nerveux pour voir plus clair en soi, dans ce que l'on ressent, dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses limites. Parce que c'est important d'avoir l'esprit clair pour ça, hein, pour pouvoir identifier ses émotions, ses besoins, ses limites. Et donc, l'auto-apaisement, ça, c'est vraiment très, très important. Par exemple, un exercice simple d'apaisement du système nerveux, c'est la cohérence cardiaque. Faire un exercice de respiration qui consiste à expirer longuement, plusieurs fois par jour pendant 5 minutes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant parce qu'on voit plus clair en soi et on peut mieux décoder la manipulation. Donc, voilà, il y a des tas d'exercices, évidemment, l'activation du nerf vague, enfin, tout ce qui peut apaiser le système nerveux, c'est vraiment essentiel pour mieux décoder ses émotions, ses besoins propres, mais aussi la manipulation en face de soi. Oui, non, c'est très important, effectivement. Et puis, oui, on pourra en remettre encore une couche, mais voilà, prendre en compte surtout ses besoins, ses désirs. On sait que ce n'est pas facile, notamment quand on est dans le flou, parce qu'à un moment donné, on ne voit plus tout ça. Et voilà, et de prendre ce temps-là, c'est primordial pour après reprendre des forces aussi et puis pouvoir s'exprimer et sortir de tout ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est épuisé rapidement dans une relation de manipulation et reprendre des forces, ça implique vraiment d'aller chercher des ressources en soi, s'apaiser. Et quand on a ces ressources, quand on est reconnecté à ces ressources, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force intérieure pour pouvoir mettre une limite et sortir de cette influence nocive. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Christine Calonne pour cet échange précieux hein, avec plein d'informations, mais surtout, si on le rappelle, hein, mais si vous souffrez dans vos relations, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous aider à en trouver les causes et évidemment à trouver des pistes de solutions. Vous, Christine Calonne, par exemple, vous proposez des consultations, donc vous n'êtes pas basée en France, mais vous pouvez justement proposer des consultations à distance pour tous ceux qui souhaitent faire appel à vos services. Comment faire pour vous contacter? Eh bien, donc, il y a mon site internet, psychothérapie-calonne.be. Et donc, sur mon site, là, il y a le formulaire contact, le numéro de téléphone. On prend rendez-vous en visio. J'utilise fréquemment la visio depuis le confinement. Donc, en visio, on peut travailler de toutes les façons, même en EMDR. On peut pratiquer des exercices d'auto-apaisement. Il n'y a pas de souci avec la visio. C'est tout à fait possible et efficace. Et vous signalez aussi un livre de référence. Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages ou sans questions-réponses, où je donne beaucoup d'exercices d'auto-apaisement, de décodage de la manipulation. Et donc, ça va vraiment avec le sujet d'aujourd'hui. Et donc, c'est accessible dans toute librairie où il y a un rayon psychologie. On peut le commander et avoir aussi des informations utiles parce que s'informer, c'est vraiment très utile pour pouvoir faire les premiers pas, soit pour consulter, soit pour trouver des moyens de se protéger. Exactement. Et de la même manière, je remettrai tous les liens vers votre livre, effectivement, qui est un guide précieux. Vous venez de l'expliquer. Alors, un grand merci, Christine Calonne. Merci, Lily. Et j'espère à très bientôt pour un nouveau sujet. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt.